Okay. Yeah. 那出口哈 OK 有威胁马库萨呀出口当地天下啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪Dans les profondeurs de l'ombre, sortir des sous-sols du rap, c'est comme trouver rescapé sous les décors. Le Dark Train, derrière les projecteurs, prépare son entrée, carpure pour exposer les clôtures de son rap, éventré par les coutures. Trop de pistolets, c'est trop dur, décoller à soudure. À trop de souffrance, mais on s'accroche, crève leur tombe, chaque jour un peu plus, même si beaucoup des nôtres accrochent. Donc, pas qu'ils vivent avec les chiffres des braves, ont perdu leur parfum. Nos planètes, nos paravents, craignent sous la pression démoniaque, le doute, les pressions de l'être plus près. Ils nous ont leur pied dans une flaque de cognac. On a vu avec le temps, les Le chaos et le sang des bravés Qu'ils entendent le chant funèbre Les corps perdus qui succombent sous leurs pavés Laissés comme des épaves Trop d'obstacles encore à braver L'orage engagé Des rues deviennent des marécages enragés Des forces sorties de la cage Oui, du sombre moment depuis l'âge Où l'on peut marcher Où l'on peut conclure des marchés Cracher nos venins sur une page Causer des dommages Sans causer mauvais présage Peur qui part en éclairage Les démons font leur pactage Bientôt les mères regrettent à Bagdad Des rimes de feu s'écoulent comme des grenades Qu'il est tu veux, mais ce rap n'est pas une promenade Une voix meurtrière, flot millénaire Qui dans l'armée de l'enfer à travers les campagnes Un cercle revers en franchi Problème et montagne Un calvaire fait derrière Ça pousse pour sortir de la clairière Tous, recherchant la lumière Ils tous, tout n'est plus que poussière Putain d'éternité profit Derrière on s'enterre, s'entretue, se méfie On a vu avec le temps L'humain s'est dégradé, ils veulent le chaos et le sang Des bravés qui sortent dans le champ De nos âmes meurtries, nos corps endoloris Notre vision est l'absence de coloris Quand la haine se colorie, nous sommes aux colonies Trop de conneries, sortent la bouche d'MC et les conneries Chez nous, pas de soucis, rien ne brille Faut passer ton nez si ça part en vrille Dernière attente, tu vas voir la qui Comprends avant que l'engrenage te bousille Cette merde, notre cerveau et sa fusil Pas depuis l'orage, sorti du sanctuaire J'écris mes vers avec le sang de mes ennemis Et sans l'atmosphère obscure, façon cimetière Descends avec moi au fin fond des feux de l'enfer Le temps de la torture, l'arrivée des civières Le sang pour une mort sur les nerfs de la guerre Je descends les ordures, les enterres Dans mon jardin de rimes quand la lune m'éclaire Le Wazer sinistre s'infiltre dans le hip-hop illustre Une rafale de partitions brusques qui te démasque et te pente au lustre Au pire tu finiras avec une balle dans le buste Perds pas de vue l'orage et la rage qui circule dans nos cages En otage tu le vois dans nos pages on joue pas non. Pour preuve on te marave à chaque sortie de cave Quand les CD se gravent On a vu avec le temps l'humain se dégrader Ils veulent le chaos et le sang des braves et qu'ils entendent le chant De l'intelligence ténébreuse, délivreuse D'âme obscure, dangereuse Je creuse mon cerveau comme je creuse ta tombe Peureuse sont les stars mielleuses La puissance vient de l'ombre Insensible, je suis normal, nique les grandes gueules Nique ceux qui m'en veulent, je représente ceux qui en veulent Mais quoi, depuis l'orage Quand on arrache le mic, il pleut des cordes Ma horde est parée pour cramer des pages C'est le cœur qui parle Qui bave des pierres, ce qui me pousse à dire fort au faux cul d'aller niquer leur mère. Laisse-moi faire mon hip-hop. J'ai la phobie du taf, mon hobby c'est d'écrire et taf et des corps. Tu veux des sales faces et des vibes, y'en aura des torts. De quoi faire mouiller les chartes lorsqu'un de mes sons résonne. Sortez les hors, c'est la bataille. Ramène-moi une bouteille de sky et de rhum que je me ravitaille. Tonnerre, flot, des carreaux en un éclair. Makosa, Natsukao, le darkness, est-ce clair? Martin, l'équipe, vas-y, chacun se fait nous des pipes. T'inquiète, tous les sauvages du coin, on la pique. Casse, casse des pipes. Des culs, des sons dans les caves yeah. On perd pas de vue l'orage